كتاب الصيام من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه. طهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كوخ نمرو 17. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. الحديث في الصحيحين. كذلك أخذنا حديث ابن عباس: فدين الله أحق أن يقضى، أي لما سألت أو سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت إلى آخره. Donc, on a pris ces deux hadiths, hadith Aïcha et hadith Ibn Abbas. Hadith Ibn Abbas, fihi al-Nadr. Inna ummi matat wa alayhi soum shahr. Et un autre hadith, riwaya, anna fihi al-Nadr wa alayha soum nadr. Et hadith Aïcha, il est plus vaste, plus général. Man mata wa alayhi siyam. Celui qui meurt et qui lui manquait un jour ou plusieurs jours de siyam, sam anhu waliyo. Donc, al-ulama, rahimahumullah, ils ont cité plusieurs masa'il par rapport à ces deux hadiths. Wa minha, la première, anna al-mayyit, idha mat wa alayhi sawmun, est-ce qu'on peut faire un siyam pour lui? Aïe, à sa place. Bien sûr, on n'avait pas cité, précisé, anna al-niya lillah, c'est une ibada. Lakin, le but, c'est pourquoi il fait son siyam, li anna ce mort, il lui manquait un jour. Ou illa, il n'aurait pas fait son siyam. Il n'y a pas de contradiction fi hada. Donc, mada, indaman, est-ce qu'il peut jeûner pour ce mort? Il y a la place de ce mort? Mutlaqan. Ah oui, un tafsil. On avait cité un tafsil. Un tafsil, ça veut dire une précision, plusieurs cas. Indak? Le premier cas, c'est la personne, elle a pas d'excuse, elle n'a pas besoin de jeûner pour cette personne. Probablement si elle était malade, donc on n'a pas pu faire un siyam et elle est morte juste après, elle n'avait pas le temps de le rattraper. Donc elle avait une excuse de ne pas jeûner. Donc, dans ce cas-là, on ne rattrape pas. Pourquoi on ne rattrape pas? Non, c'était pas wajib pour lui. Pourquoi c'est pas wajib? Non, il n'avait pas le qudra. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit: man mata wa alayhi siyam. Celui qui meurt et qu'il a un siyam, il avait un siyam à accomplir. Amma hada la. هذا il est ma'zour bi maradih, il est ma'zour bi ajzih. Donc, jeûner pour lui dans ce cas-là alors qu'il était excusé, là. Ça, c'est le premier cas. Hey, قول شيخ ابن باز, on l'avait lu, أما إذا كان الميت ما فرط, يعني مات في مرضه. Hey, cette personne qui est décédée, avant de mourir, elle avait fait son possible. Lakin, elle n'a pas pu. Maladie, vieillesse, incapacité ou autre. ففي هذا الحال, فلا يصام عنه ولا يطعم عنه. On n'a pas besoin de nourrir des pauvres ou jeûner pour lui, il est ma'adour. Deuxième cas. Indak. Deuxième cas, c'est celui qui il a raté des jours et les a laissés jusqu'à ensuite, il est mort. N'am. فحصل منه شيء من التفريط. Un manque de sérieux. Et il pouvait rattraper, lakin il a repoussé. ففي هذا الحال, il est mort et il n'a pas accompli un siyam obligatoire. ففي هذا الحال, من مات وعليه الصيام مثل هذا الاكزامبل كنا دوني الى ان صوم فصام عنه ولي. Et on a cité un khilaf بين اهل العلم في هذا. Est-ce qu'on fait simplement siyam ou on fait siyam et on nourrit un pauvre pour chaque jour ou aucun des deux, ou est-ce que c'est pour siyam al-nadr ou c'est pour tous les siyam? Enfin, c'est quoi le khulasa عند من qui c'est qui résume hada? Indak? Sahih, c'est pour tous les siyams wajib. Tous les siyams wajib, on peut rattraper le siyam. Ma dalil? Hadith Aïcha, sawmu anhu waliyu. Et on avait vu qu'avec les deux hadiths, on allait prendre l'explication des deux. Et que hadith Ibn Abbas, c'est cité mada fi hadith Ibn Abbas? Nadr. Al-Nadr. Et hadith Aïcha? C'est global. Pourquoi on fait passer hadith Aïcha avant Hadith Ibn Abbas, où on dit que Hadith Aisha, il n'est pas spécifié par Hadith Ibn Abbas. Limada, عندك. نعم. Donc on dit que Hadith Ibn Abbas, c'est quoi? C'est un exemple, فقط. C'est un cas. C'est cet homme, il est venu demander, ou cette femme, elle a demandé, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a démontré. Amma Hadith Aisha, c'est une règle. Comme a dit Cheikh Al-Uthaymeen. Donc, on prend Hadith Aisha en tant que règle, et Hadith Ibn Abbas, c'est comme un tatbir, c'est comme une application de cette règle. Amma Ba'd Ulama, ils ont dit là. Ils ont dit, man matu alayhi siyam, wa alayhi siyamun, sawam anu waliyu. Ils ont dit, c'est expliqué par Hadith Ibn Abbas, et pour le nadr. وهذا كما تقدم فيه نظر le plus proche والله تعالى أعلم c'est l'avis de Cheikh Ibn Baz et autres أنهم ils disent que ça englobe tous les siyams obligatoires. On déduit de tout ça أن الصيام النفل on rattrape pas لأن أصلا il n'y a pas rattrapé, c'est pas obligatoire. Donc الصحيح c'est ماذا celui qui meurt et il avait un siyam un jour obligatoire qu'il n'a pas fait. C'est quoi sahih? On rattrape pour lui. Faqat amma al-it'am. Fala et كذلك c'est pas que pour le nadr. Hada khulasat ma taqaddam. C'est qui le wali? Sama anhu waliyuh. C'est qui le wali? Les proches. Les proches. Donc c'est réservé que pour les proches. Man mata wa alayhi siyam sama anhu waliyuh. فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال صام عنه وليه؟ Pourquoi النبي صلى الله عليه وسلم il a démontré أنه celui qui jeûne c'est un proche. Si on dit que c'est pour les étrangers كذلك. فpourquoi النبي صلى الله عليه وسلم قال صام عنه وليه؟ قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا au lieu de وليه pourquoi c'est précisé وليه؟ Pourquoi il a pas dit صام عنه واحد أو رجل أو شخص أو امرأة؟ لماذا il a précisé ولي؟ نعم أحسنت أن العلماء يقولون ceux qui disent que ça englobe كذلك الأجنبي أي une personne étrangère كذلك elle peut jeûner pour ce mort أن la priorité c'est pour le wali. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de demander la permission كما تقدم لكن en général أي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لفظ الولي ça c'est من باب الغالب. En général c'est un proche qui jeûne pour son proche. لكن est-ce que c'est autorisé à un étranger jeune? Non. Mad dalil. Non. Si la dette elle est remboursée par un étranger, fa tayyib. Kadhalik al hajj, s'il est fait par un étranger, fa yujzi. Hakadha as-siyam. Lakin les proches c'est eux qui doivent fi al-haqiqa faire des efforts pour leurs proches. Thumma on avait cité, est-ce que si il avait plusieurs jours à rattraper Had al-Mayyit, مثلاً, une semaine, est-ce que c'est obligatoire que ça soit fait par une personne, ou c'est possible plusieurs personnes, عندمن? C'est possible plusieurs personnes, hein? Et si واحد dit, النبي صلى الله عليه وسلم قال صامعا هو وليه, النبي صلى الله عليه وسلم il a cité واحد. Celui qui fait le jeûne, c'est son wali. Il n'a pas dit awliya'uh. Famada naqul. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a employé le singulier. Sama anhu waliyuh. Et nous, si on dit plusieurs personnes. Famada. C'est une qaïda amma. Nous, on sait que le asr, pour le qada, c'est que c'est pas forcément une personne. Ou une personne ou une période. Na'am. Enfin, l'essentiel c'est que ce siyam il est rattrapé. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال الصام عنه ولي لأن كذلك لفظ الصيام من مات وعليه الصيام أي celui qui meurt il a un siyam à rattraper صام عنه ولي. S'il a plusieurs jours, enfin s'ils sont plusieurs, فلا بأس. هذا il y a aucune contradiction في الحقيقة. L'essentiel c'est que ces jours ils soient rattrapés. C'est comme la dette. Est-ce que si un musulman meurt et on qaddar qu'il a 100 euros de dette. Si ils sont 10 à lui payer sa dette, chacun il met 10 euros. Est-ce que c'est valide, sa dette elle est remboursée? Non, l'essentiel c'est que la dette elle est payée. Il se rassemble à 10, à 20, ou à 1, ou à 2. Al-Muhim, il paye la dette. Al-Muhim, c'est que celui qui avait prêté les 100 euros, il récupère ses 100 euros. C'est ça, Al-Muhim. As-Siyam, l'essentiel, c'est que ces jours, ils sont rattrapés. Et le but, c'est qu'on jeûne parce que ce mort, il n'a pas fait. Sauf dans un cas. Indaman. Sauf dans un cas. Indak. Famada, Fossol. Naam, fi siyam, kafarat al-zihar, ou celui qui a eu des rapports avec une femme fi nahar Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala, fi al-Quran, il a cité une condition, shahrain mutatabi'in, wa hakada al-Nabi sallam fi hadith Abi Huraira taqaddam ma'ana. Fahal tajid an tasum shahrain mutatabi'in, qala la. Donc, dans ce cas, il y a une condition, cette condition, il faut qu'elle soit respectée. Les anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, man mata wa alayhi siyam. Donc, c'est quel siyam qu'il n'a pas fait, hadar rajul? 2 mois consécutifs. Sam an huwa liyuh, et c'est 2 mois consécutifs. S'il a un jour, tu rattrapes un jour. S'il a 2 mois consécutifs, c'est 2 mois consécutifs. Et si, comme a dit Cheikh Al-Uthaymin, on avait lu, kadhalik kalam al-Nawawi, rahimahumullah, si plusieurs personnes le font, ou c'est pas fait de façon, d'une manière consécutive, le siyam qu'il avait 2 mois consécutifs, il n'a pas été fait comme il devait être fait. Et si cette personne elle serait vivante, elle aurait dû faire quoi? 2 mois consécutifs. Donc celui qui fait pour elle 2 mois consécutifs. Ça, c'est un qawl tayyib. Donc, si c'est siyam kafara, kafara dhihar ou autre, s'il y a une condition pour le jeûne qui soit consécutif, celui qui rattrape, il remplit cette condition et il fait consécutif. Et tout ça, on avait dit, c'est quoi le huk? Est-ce que c'est obligatoire de faire un siyam pour ce mort? Là, c'est mustahab. Qad yaqul qa'il man mata wa alayhi siyam sama anhu waliyuh. C'est un khabar bi ma'na al-amr, comme يقول اهل العلم. أي فليصم عنه وليه. C'est un ordre. Qad yaqul qa'il, pourquoi vous dites pas que c'est obligatoire? Comme قال اهل الظاهر ابن حزم et autres, ils ont dit que c'est obligatoire. Ils ont pris le texte كما هو, et en apparence c'est un ordre, c'est obligatoire. Ils ont dit que c'est obligatoire. لماذا نحن on dit que c'est pas obligatoire? عندما تفضل. نعم ولا تزر وازرة وزر أخرى هكذا قال عز وجل. أي tu peux pas être responsable et تتحمل الوزر d'un autre. Le وزر d'un autre, c'est le mal d'un autre, le péché d'un autre, le manquement d'un autre. Tu peux pas être responsable. Donc si on dit que c'est obligatoire, ça veut dire que si tu fais pas son siyam, toi aussi t'as fait un péché. Alors que à la base, celui qui a eu un manquement, c'est pas toi, c'est ce mort. Donc on peut pas dire que c'est obligatoire pour la deuxième personne et celui qui rattrape l'air. Pour lui, c'est recommandé à la kulli hal. S'il le fait, tayyib, et s'il le fait pas, fala shay alayh. Celui qui rendra des comptes et qui aura une responsabilité, c'est celui qui a eu un manquement et il se mort. Fa al-haqiqa an-na'ib hada. An-na'ib, c'est un remplaçant, celui qui fait pour un autre. An-niyaba. An-na'ib huna c'est muhsin. وما على المحسنين من سبيل قال عز وجل المحسن si il fait du khayr, c'est alhamdulillah, c'est un plus. Si il le fait pas, فلا شيء عليه. مثلاً une sadaqa autre que la zakat obligatoire, que ça soit zakat fil mal ou zakat al fitr, ça c'est des zakawat obligatoires. T'es obligé, bien sûr, avec certaines conditions. Si ce riche il a donné zakat al mal, il a zakat sur son argent, il a donné zakat al-fitr à la fin du Ramadan, est-ce qu'on doit lui obliger de sortir ou de donner à un pauvre autre que ses zakat ou qu'il y a un dalil? Là, s'il donne matalan, il aide un pauvre en plus, À la fin du Ramadan, maintenant, il donne zakat al-fitr obligatoire et il aide des pauvres. Il donne 100 euros à Foulain, 50 euros à Foulain. Alhamdulillah. C'est un muhsin, fait al-halil. Il a un ajr azim. Et s'il ne donne pas, il a fait son obligation. Mais vous, donc, fait hada al-hal, on ne peut pas rendre obligatoire les annahu. C'est pas lui aslan qui a eu le manquement. Ça, c'est sahih, donc c'est mustahab. Lakin, al-insan, il fait du khayr, li annahu li ma'jour, et que dhalik, c'est min al-birr, surtout al-walidayn. Ça, c'est min birr al-walidayn. Si celui qui a des parents musulmans qui sont morts et qu'ils ont eu des manquements, que ça soit fi al-siyam ou fi al-hajj, inshallah, il fait des efforts. Et il est ma'jour, même si c'est pas obligatoire, lakin, c'est min al-ihsan. Tes parents, ils ont fait des efforts pour toi. Anta kadhalik, tu fais des efforts. Hada ma yata'allaq bi hada al-bab al-muhim. Bab al-qada 'an al-mayyit. Wa al-yawm na'khud les deux hadiths suivants ma yata'allaq bi al-iftar. Qala al-hafiz al-imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahmatullah alayh fi kitabih an-nafi' 'Umdat al-ahkam kitab al-siyam عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر رواه البخاري ومسلم خمي حديث لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ça montre أن السنة c'est de rompre le jeûne au siyam directement après que la nuit elle soit venue. Aïe, le coucher du soleil, comme Asayat. Ne pas attendre. Si le coucher du soleil, il est à 18h02, maintenant, on donne l'heure, c'est un exemple. Mais on va voir que c'est Masayat, ça n'a rien à voir avec l'heure ou avec le calendrier ou autre. Là, c'est le Ghouroub. Là, si le Ghouroub, il est à 6h02, on n'a pas à attendre 6h03, 6h04. Là, le Ghouroub, le Ghouroub. Et ça, c'est min alamat al-khayr. La yazal nas bi khayr. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va démontrer que les gens ils seront à la khayr tant qu'ils appliqueront cette sunna. Ça implique que si cette sunna est délaissée, enfin, le khayr va diminuer. Wa fi lafd, dans un lafd de ce hadith, wa akharu sahur. La yazal nas bi khayr ma adjalu al-fitr wa akharu sahur. Amma fi sahih al-Bukhari wa Muslim, il n'y a pas ce rajout. Wa akharu sahur. On l'a vu, la mas'ala fi al-sahur, anna sunna kadhalik, c'est de le retarder. Hadith Zayd ibn Thabit, quand Anas lui a demandé, et autres, des autres hadiths on avait vu, Anna as-sunna c'est de retarder as-sahur. Lakin, le rajout, fait hadal hadith, ce rajout il est vaïf. Al-imam Ahmed ibn Hanbal, rahmatullah alayhi, il a cité cette ziyada fi musnadih, min hadith Abi Dhar, et comme on a dit, cette ziyada elle est vaïfa fi sanadiha ibn Lahi'a, et معروف الخلاف فيه لكن الصحيح سك إلى ضعيف والله أعلم. الدوزم حديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. Ce hadith il te montre c'est quand que tu vas appliquer la sunna qui est citée dans le hadith précédent. Le hadith précédent, la yazal nas bi khayr ma ajjalu al-fitr. Les gens ils seront sur le khayr tant qu'ils se précipiteront à rompre le jeûne. Tu vas te poser la question, c'est quand? Ça commence quand? Le premier temps pour que j'applique cette sunna, hey, je coupe le jeûne au départ. Qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, idha aqbala al-layl minha huna wa adbara an-nahar minha huna. Et la nuit, elle commence. Et ta'lamouna anna dès que le coucher du soleil, dès que le soleil se couche, l'endroit où il se couche, il y a encore de la lumière, il y en a, il y a le soleil. Et l'opposé, ça commence à s'assombrir. هذا قوله إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا. C'est la même chose le Fajr. Le Fajr, tu remarques quand avant que le soleil se lève, tu vois déjà le fil blanc et tu vois le jour qui se lève. Et à l'opposé, il fait encore nuit. Il y en a le soleil, il est de l'autre côté. قال النبي صلى الله عليه وسلم وغربت الشمس. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم il te montre c'est quand que As-Sa'im il doit rompre son jeûne. Inda ghurub ash-shams. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vous avez remarqué, il a pas cité l'adhan. Il a pas cité l'heure, il a pas cité de calendrier ou autre. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité ghurub ash-shams. C'est ça l'asl. Et bien sûr, tu vas trouver des hadiths ou des athars anna fiha al-adhan, lakin al-adhan pour rapport au coucher du soleil. Et on va voir cette mas'ala, si le mu'adhin fait avant ou après. Al-hadith qu'on a cité de Omar, il est fait sahih al-Bukhari ou muslim, et l'imam Abd al-Ghani al-Maqdisi l'a cité fi umdat al-ahkam. Fata'jilu al-fitr, c'est mustahab, c'est recommandé. Et le retarder avec un niya, que c'est mieux de le retarder, ou al-ihtiyat, comme ils appellent, une précaution de 5-10 minutes, en pensant que c'est légiféré, ça c'est min al-bida' et min al-muhdathat. Et taqaddam ma'ana, on avait lu la parole de Al-Hafidh ibn Hajar, fi al-sahur, fi ma athkur. On répète, qawl Al-Hafidh, هنا, il y en a, il قال رحمه الله تعالى في الفتح فتح الباري شرح صحيح البخاري من البدع المنكر ما أحدث في هذا الزمن من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب إلى آخره ثم قال وقد جرهم ذلك لأنهم صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب دونك Al-Hafidh, il explique que min al-bida', c'est de retarder al-adhan, que ce soit fil maghrib, ou le matin al-fajr, de l'avancer. Aqsud, na'am, de l'avancer pour que les gens, ils mangent pas et il fait jour. Et tout ça, c'est min al-ihtiyat, il n'y a aucune utilité. T'as le droit de manger jusqu'au fajr al-sadiq. Et t'as le droit de rompre le jeûne quand le soleil se couche. Amma rajouter, tu rajoutes fi dinillahi azza wa jal. S'il y aurait une précaution à avoir, Allah subhanahu wa ta'ala, alimul ghaib wa shahada, il nous aurait cité cette précaution. Bien, si on ouvre ce bab, un jour, wahid, il va nous dire, on fait dhuhr 5 raka'a. Min bab l'ihtiyat, on ne sait jamais si une raka'a a été mal faite, on fait 5. Un jour, wahid, il va nous dire, al-wudu, on ne fait plus 3 fois, on fait 4 fois. On ne sait jamais si l'eau n'a pas tout touché. Là, là, tu fais les choses comme elles sont légiférées. S'il y a un manque, tu regardes. Mathalan, as-salat, s'il y a un manque, as-sujud as-sahw. Il y a des règles. Kadalik, si une raka'a n'est pas valide, tu refais une raka'a. Si la salat n'est pas valide du tout, tu refais la salat. Amma, une précaution, alors qu'il n'y a pas de problème, fahada, ça ne fait pas partie de notre dîn. Bab l'ihtiyat, c'est ma'rouf dans certaines choses. Lakin, dans ces cas-là, abadan. On fait attention à hada. Hadad-din, tu dois avancer, fonctionner avec l'adillah, pas avec l'aql. L'aql suit l'adillah. Et l'aql ne contredit pas les preuves. Lakin, délaisser les preuves et faire des efforts d'interprétation qu'ils n'ont rien à voir avec les adillah, c'est un bab, c'est ouvrir une porte des garmes. Comme il démontre al-Hafidh هنا. قال وقد جرهم ذلك لأنهم صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت زعم. Za'amu, ils prétendent anna le ghuroub il a 18h. Tu le vois, ahyanan, surtout dans les endroits où il y a la mer. Anna, l'horizon il est droit. Et tu vois le ghuroub quand le soleil et le disque solaire, tu vois bien le en forme de cercle. Quand tu vois que il a disparu, tu le vois plus. Et avec la mer, on a cité la mer, et anna c'est droit, tu le vois très bien. Quand le soleil s'est couché, tu ne le vois plus, t'akul mubashara. Amma ba'dhum, il s'est couché et à l'ihtiyat, ils attendent 2-3 minutes. Pourquoi? T'as des doutes? Là, on n'a aucun doute. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a démontré. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous a démontré. Pourquoi attendre? Et nous, on cite ça pourquoi? On va voir une mas'ala, les calendriers, c'est fondé sur l'ihtiyat. Tu vois, le ghurub shams, c'est à 18h. En général, les calendriers, et beaucoup de mu'adhinoun, ils vont faire al-adhan à 18h05, 18h06, 18h07, ba'dhum plus. Pourquoi? Tous ces calculs et ces calendriers, c'est pas fondé sur sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est ru'ya. Normalement, le mu'adhin, de temps en temps, il regarde. Et il adapte son adhan par rapport au ghurub, pas par rapport au calendrier. Qala za'amu fa'akharu al-fitr. Donc, à cause de cette soi-disant précaution, ils ont retardé Al-Maghrib, ils ont avancé à Sahur, ça veut dire que fil haqiqa, tu fais siyam plus longtemps. Si le Fajr, ils l'ont avancé d'une demi-heure, et Al-Maghrib, ils l'ont retardé de 10 minutes, tu vas faire siyam 45 minutes en plus. Bi'ay haqq hada. Alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui légifère, et Allah, il nous a ordonné de faire siyam. من نعم كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود نعم أو الخيط الأسود من الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فالله سبحانه وتعالى من الفجر jusqu'au مغرب. Pourquoi rajouter les 45 minutes بأي حق بأي دليل؟ فهذا ما nous démontre الآن الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. قال وعجلوا السحور وخالفوا السنة. Et ta'lamouna anna mukhalafata as-sunnah c'est pas bil amr al-hayyin. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adhabun alim. Qad yaqul qa'il c'est pas grand chose. C'est grand chose si tu sais et tu as la conviction que si tu khalif ce amr, tu khalif amrullah et amr ar-rasul, c'est quelque chose de kabir. Regarde pas la mas'ala elle-même, regarde qui, à qui tu désobéis ou à qui tu khalif les aqwal de qui, et tu vas te rendre compte que la mas'ala elle n'est pas sahla. Wa khalafu as-sunnah falidhalik qalla anhum al-khayr wa kathura fihim ash-sharr wallahu al-musta'an. Le hafiz conclut que c'est pour ça que le bien dans ceux qui retardent et qui avancent, le bien il est peu l'un et leur sharr il a grandi, wallahu al-musta'an. Et si tu rajoutes d'autres masa'il, c'est un point, on l'étudie parce qu'on est sur siyam. Si tu rajoutes des autres mukhalafat, tu comprendras pourquoi la umma, elle est dans cette situation. Laquelle, l'insan, il ne désespère pas. Ta'wah, il fait du khayr, il montre aux gens, et, alhamdulillah, la tazal ta'ifatun min hadhi l'umma ala ala al-haq, zahiri. Et on a vu le kadhalik, kalam, al-shir sa'di, par rapport au sahur. Donc, al-waqt, c'est هذا الوقت c'est عند غروب الشمس. كذلك un autre hadith أخرجه الإمام أبو داود رحمه الله في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. لا يزال الدين ظاهرا, ce الدين il aura le dessus, il sera قوي tant que les gens ils se précipiteront à rompre le jeûne. لِأَنَّ الْيَهُودُ وَالْنَصَارَ يُؤَخِّرُونَ. الْيَهُودُ وَالْنَصَارَ ils prennent cette précaution. بَعْضُهُمْ ils rompent quand ils faisaient le jeûne. أَمَّا الْآنَ اللَّهُ عَلَمْ est-ce qu'ils font le jeûne. لَكِنْ quand ils faisaient le jeûne ils retardaient حَتَّى les étoiles elles apparaissaient. Et الرَّوَافِضْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ils ressemblent à Ahl al-Kitab fi hadha annahum yurtad kadhalik. Donc on ne doit pas ressembler à haoula. Mukhalafat haoula, ça fait partie de notre din. Dans les choses qui contredisent notre din, on les khalif. Lakin on revient à anna wahid, si on redonne l'exemple al-Maghrib il est à 18h02 et huwa mathalan il mange à 18h05, est-ce qu'il a fait une ma'asiya? Là Lakin, bien sûr, il n'a pas la niya comme certains. Anahu, non, tu ne peux pas manger à 18h02, il faut retarder, il faut attendre, ne te précipite pas. Là, ça ne fait pas partie de notre din. Amma, si, il retarde. Lianna, il est, mathalan, il prend du temps à faire autre chose. Au muhim. Fi hadha al-hal, c'est pas une ma'siya. C'est pour ça qu'on a dit c'est mustahab. Amma, croire que tu n'as pas le droit, ou que c'est mieux de retarder, ça, c'est le bid'a. Amma, huwa, c'est. Il sait très bien que c'est mieux. Le soleil s'est couché, il sait que c'est mieux. Lakin, il attend. Il attend, il y en a, il veut se préparer autre chose. Ah oui, il veut se déplacer dans une autre pièce. Mouhim, il a un udr moubah. Fahriyad al-Hal, on dit, c'est afdal qui rompe le jeûne. Et s'il attend, falashi ali. C'est pas obligatoire. Vous avez compris la différence. Faut pas mélanger les deux cas. Il y en a ba'dahum rubbama, si al-shams gharabat, et voit un musulman qui n'a pas mangé, qu'annahu il a fait une ma'asiyah. Là, s'il pense que c'est mieux de retarder, conseille-le et démontre-lui que c'est un amr shar'i. Et celui qui nous démontre ce amr, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, ou son messager, pas un autre. On n'a pas le droit de faire passer le calendrier avant Kitab Allah et Sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lakin, si il prend le temps, مثلاً, il est au téléphone ou il parle avec quelqu'un, on ne doit pas placer cette sunnah comme c'était wajib. Là, c'est une sunnah, ça reste une sunnah. C'est mieux qu'il mange dès que le soleil il s'est couché. S'il attend une, deux, trois minutes, fala bas. L'amr il est wajib. Aham shay, c'est ne pas avoir l'aqidana, c'est mieux de retarder. Hada la'allahu, c'est compris. Et le Hafid ibn Hajar, il a cité l'ittifaq. Et c'est muhim hada. قال رحمة الله عليه كما في الفتح اتفق العلماء على أن محل ذلك إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية أو بإخبار عدلين اتفق العلماء l'unanimité des savants que العبرة أي l'essentiel l'important ce qui est on se base sur quoi غروب الشمس إما tu l'as vu toi-même إما عدلين deux témoins qui sont adl. قال وكذلك عدل واحد في الارجح. Et c'est ça le قول الصواب. C'est pour ça qu'on prend l'avis du muadhdhin. Le muadhdhin, c'est un muadhdhin de confiance. Et il applique le sunnah. Et il voit le soleil se coucher et il fait l'adhan, on mange. Léna, c'est une personne de confiance. Amma, qui en faut deux là. Léna, le muadhdhin, c'est واحد. C'est ça le قول الارجح كما قال الحافظ. Le muhim هنا. On ne va pas rentrer dans les détails, les témoins pour l'Aden, ça c'est un autre sujet. Al-Muhim huna, ittifaq al-ulama, l'unanimité des savants, que l'essentiel est la base pour manger, ou pour arrêter de manger fil fajr, c'est ghurub al-shams. C'est pas l'heure ni le calendrier. Une autre chose, et c'est une mas'ala importante, al-iftar qabla ghurub al-shams. Donc on fait attention. La ifrat wa la tafrit. On ne laisse pas 10 minutes, un quart d'heure après le maghrib. Kadhalik, on ne se précipite pas et on mange avant que le soleil soit couché. Là, l'insan, là, yasta'jil fi hadha. Lianna, celui qui mange avant que le soleil s'est couché, bien sûr, volontairement. Amma, celui qui n'a pas fait involontairement, il a oublié autre taqaddam ma'ana, la shay alay. Lakin, nahnu l'an, on part volontairement. Hadha, il est ala khatar. تأمل معي حديث أبي أمامة رضي الله عنه الحديث إلى الطويل إلى صحيح صححه الإمام مقبل ابن هادي رحمة الله عليه dans الجامع الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم ونقسم الحديث إلى الطويل ثم انطلق بي أي c'est quand النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج quand il a vu جهنم il a vu des gens en train de souffrir. À un moment, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit « فَإِذَا أَنَا بِقَوْمْ مُعَلِّقِينَ بِعَرَاقِبِهِمْ تَسِيلُوا أَجْدَاقُهُمْ دَمًا فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَا » Ou « مَا هَؤُلَا » Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait un قوم qui était accroché, qui était suspendu sur des crochets et leur sang y coulait. Et ils étaient en train de se faire châtier, وَلَعِيَدُ بِاللَّهِ. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « مَا هَؤُلَا » Et qu'est-ce qu'ils ont fait, هؤلاء? Pourquoi ils se font châtier? قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. هؤلاء, c'est ceux qui mangeaient et rompaient le jeûne avant l'heure, avant que le soleil se couche. L'insan, il fait attention. Il fait attention. لا يستعجل. Notre din, il est basé sur l'ilm, sur la facilité, sur les choses claires. فلا تستعجل. Dès الشمس غربت et tu sais qu'au gharabat, alhamdulillah, tu manges. Amma avant, fala. Al-hadith, on a dit, il est sahih. Une autre mas'ala. Al-an, on revient au mu'adhin. Idha gharabat al-shams, et le mu'adhin, il n'a pas encore fait l'adhan. Et kadhalik, on va inclure dans cette mas'ala, si il fait l'adhan, alors que al-shams ma gharabat. إما يفعل avant إما يفعل après. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في الشرح الممتع المعتبر غروب الشمس لا الأذان. Et ça c'est important. On revient au كلام de الحافظ ابن حجر إلى cité اتفاق العلماء أن ces مسائل ça revient à غروب. إما tu l'as vu toi-même, donc t'es sûr tu l'as vu. إما un عدل, un témoin de confiance, il dit, j'ai vu. Maintenant, nous, on est dans cette pièce, Et un frère de confiance, on le connaît, il est connu pour être véridique, wallahi alhamd. Et bien sûr, il connaît ces choses. Un wahid, il peut être véridique et il connaît pas ces choses. Obama, il croit que le soleil s'est couché, il s'est pas couché, il a akin. C'est simple de voir le soleil se coucher. Al-Muhim, ce témoin, ce frère de confiance, il nous dit, ya akhwan, j'ai vu le soleil se coucher. On mange. Si on est sa'im, et alhamdulillah, on a de quoi manger, on mange. هذا واضح. قال شيخ العثيمين المعتبر غروب الشمس لا الأذان لا سيما في الوقت الحاضر surtout à notre époque. Pourquoi? لأن à l'époque du prophète sallam et même après, beaucoup ils n'avaient pas les appareils qu'ils ont de nos jours, les calculs tawassu' dans les calculs etc. C'était beaucoup de ru'ya. Amma à notre époque, c'est très rare qu'un mu'adhin il applique هذا. Il regarde, ثم يفعل ذلك. غالب المؤذنين الآن c'est avec l'heure ou les calendriers. قال شيخ العثيمين حيث يعتمد الناس على التقويم. Ça c'est غالب الناس. على التقويم, sur les calendriers. ثم يعتبرون التقويم بساعاتهم. Et ça c'est une deuxième chose. Et للأسف أن بعض المؤذنين il sait pas comment déterminer les heures de الصلاة. Et ça c'est un نقص في المؤذن. Le mu'adhin, il doit savoir les horaires de salat. On ne parle pas les horaires de la montre, là. Quand est-ce que c'est le fajr? C'est quoi les signes du fajr al-sadiq, le fil blanc, comment le reconnaître? Al-duhur, c'est le zawal. C'est quoi le zawal? Al-asr, al-maghrib, ghurub al-shams, c'est quoi ghurub al-shams? Al-isha, c'est quand? Sans les heures, là, qu'avec le soleil, avec la nuit, le jour, avec le ciel, etc. Hada al-mu'adhin, il doit savoir. Lakin l'an ghalib al-mu'adhinin, ils se sont habitués à l'heure et ils ne savent pas comment déterminer les heures. قال ثم يعتبرون التقويم بساعاتهم. Donc ils se basent sur les calendriers. Le calendrier, مثلاً, il dit le Maghreb, il est à 18h05. ثم هو il regarde sa montre. Il va en venir où sur Ibn Uthaymeen? عندمن. Ça c'est واضح. لكن le calendrier, c'est un premier manquement pour ce mu'adhin. Léna, normalement, il doit voir. Léna, le calendrier, c'est vraiment pas sûr. Lakin, tu rajoutes une deuxième mouchkila, un deuxième problème, sa montre. Ils vont en venir au Cheikh Ibn Uthaymeen. Ahsan, que sa montre, elle peut être déréglée. Si le calendrier te dit 18h05, voyez, nous, on va dire que le Maghreb, il était déjà à 18h. Normalement, 18h, c'était le Maghreb, on l'a vu. 18h, le soleil s'est couché. On regarde dans le calendrier, 18h05. On vérifie la montre de ce mu'adhin, elle a 4 minutes de retard. Donc, il va faire à 18h05 dans sa montre, et fait le haqiqa, il est déjà 18h09. T'as déjà 9 minutes d'écart. 9 minutes d'écart, certains, ils ont fini de manger. Ceux qui mangent un peu. Enfin, vous avez vu le mouchkina l'an. Allez, hada, Cheikh Ibn Uthaymeen, قال, ثم يعتبرون التقويم بساعتهم. وساعتهم قد تتغير بتقديم أو تأخير. Ou, ça peut être l'inverse. Sa montre elle en avance, il fait l'adhan, il a fait l'adhan avant l'heure. Et les gens ils mangent avant l'heure. Ça c'est pas terrible. قال شيخ العثيمين وأنت تشاهدها والناس لم يؤذنوا بعد فلك أن تفطر ولو أذنوا وأنت تشاهدها لم تغرب فليس لك أن تفطر. C'est ça le haq. Si t'es sûr, on t'a informé que Ghurub al-Shams à 18h, Al-Mu'adhin il fait à 18h05, t'as le droit de manger à 18h. Et c'est sunnah de manger à 18h. Si Al-Mu'adhin il fait avant, t'entends l'adhan, tu manges pas. Les madal, il y a le soleil, c'est pas couché. Tu manges après. Donc, Al-Ibra, comme a dit le Cheikh Ibn Uthaymeen, wa naqala Al-Imam Ibn Hajar Al-Ijma', c'est Ghurub al-Shams. Quand on fait attention à hada, c'est une ibadah azima, et surtout à notre époque, on sait que surtout le Fajr, ils le font en avance. Donc, tu as le droit de manger jusqu'à que le Fajr, al-Sadiq, il apparaît. Kada les Ghurub al-Shams, si tu es dans un endroit et tu sais qu'ils retardent, ils font volontairement pour cette précaution et ils retardent, on ne peut pas dire qu'il n'a pas le droit de rompre. Abadan. Bel as-Sunnah, c'est de rompre. Aïe, à l'heure. Hada. Kalam Cheikh Ibn Uthaymeen, il est. جميل. تنبيه. Enfin, تنبيه مهم. Ils ont posé une question à Cheikh Al-Albani رحمه الله عليه في سلسلة الهدى والنور أي la série d'audio de Cheikh Al-Albani رحمه الله عليه. des fatawa et nansah al-ikhwan bil istifada minha. C'est un kanz min kunuz al-ilm. Ta'lamun quwwat Cheikh al-Albani rahmatullah alayhi fi al-hadith fi al-fiqh, et comme il explique les choses, et celui qui a écouté certaines de ses munadharat ma'a ba'd an-nas, il connaît le quwwa de hadha al-imam. Fa yustafad minha, surtout pour les arabophones, ceux qui comprennent l'arabe. Fa tayyib, et ceux qui comprennent pas l'arabe kadhalik. Faites des efforts. Une des choses qui va vous faciliter à comprendre l'arabe et à parler l'arabe, c'est d'écouter l'arabe. Écoute, même si tu ne comprends pas au départ, écoute. Écoute. Et tu verras qu'au bout de un mois, deux mois, trois mois, six mois, tu verras. Si tu écoutes sérieusement et tu demandes si tu n'as pas compris un mot, tu fais des recherches, surtout des savants qui parlent clairement, doucement, avec un langage facile, tu verras que tu avanceras beaucoup. Enfin, faites des efforts, Fihad. On connaissait des frères, le premier audio qu'ils ont entendu, ils ne comprenaient rien. Tu lui demandais ça parle de quoi, il ne pouvait pas te dire. Laquelle il écoutait. À un certain temps, il comprend un Robama 80% de l'audio. Il sait le chéri parle de quoi, il est stafide, il manque certaines choses. Il manque surtout des. Si le chéri, maintenant, il parle de ilal dans le hadith, ou de masail fil usul, des choses, il ne comprend pas. Ce n'est pas un problème de langue arabe. C'est un manque dans l'ilm. Il n'a pas étudié ce ilm, donc il ne pourra pas comprendre. Lakin l'arabe, alhamdulillah. Donc on fait des efforts. Écoutez. L'écoute, ça facilite. Tu comprendras beaucoup de choses. Qala Cheikh al-Albani, il lui pose la question. Ma yahsul min mashakil li ba'd al-ikhwan lamma yaftiru 'ind al-ghurub qabla al-adhan amam an-nas fi al-masjid. Ça arrive, hal. L'anna les sunan qu'on a cité. Kathir min al-ikhwan, wallahi alhamd, il les applique à rompre à l'heure. Lakin dans certains masjid, comme ta'lamoun, il retarde. Donc, ce frère, il peut voir le ghuroub en face de lui. Thumma al-mu'adhdhin, rubbama il fait l'adhan 5, 6 minutes après, 10 minutes. Fa fi hadha al-hal, s'il est au masjid, ce frère, il peut manger et ça fait une fitna. Donc, ils ont demandé à Cheikh al-Albani, rahmatullah alayhi, sur ce sujet. Qala, al-mas'ala tahtaj ila hikmah. C'est vrai. Toujours al-hikmah. Surtout avec al-awam. Les nassim masajid, la plupart du temps, c'est des awam. Et des gens, ils ont atteint un certain âge, ils n'ont pas étudié l'ilm, ils ont été éduqués à une certaine éducation, ils n'ont pas un esprit ouvert sur l'ilm, ils ne comprennent pas le khilaf, ils ne comprennent pas l'aqwal. On lui a dit, tu manges l'adhan, pour lui c'est l'adhan, tu manges avant l'adhan, tu n'as pas de siyam pour lui. Tu prends la précaution, pour lui il a été éduqué comme ça, c'est bien. Alors que ce n'est pas toujours comme ça, certaines choses ils font les faire rapidement. « Fastabiqul khayrat » qala azza wa jalla. Al-muhim, il faut de la hikmah. Dans tout ce qu'on fait, il faut de la hikmah. Qala al-mas'ala tahtaj ila hikmah. Amma foncer. Et ba'd an-nas, ils ne prennent pas en compte les autres. Rubbama il dit c'est une sunnah, c'est une sunnah. C'est pas mon problème. Là, c'est ton problème. On a une mas'ouliya. T'es sur le haq. Tu connais manhaj al-salaf. Wallow, tu le connais un peu. Tu sais qu'il faut revenir au dalil. Tu sais que le calendrier, c'est pas une base sûre. Tu sais que l'heure, c'est pas al-mu'tabar. Tu sais que c'est le coucher de soleil. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a facilité. Lakin, pense aux autres. Et le but, c'est quoi? Le but, c'est de diviser ou le but, c'est de montrer on applique tous cette sunnah? Le but, c'est qu'on montre et on applique tous cette sunnah. Al-hikmah. Ça veut pas dire, comme on va voir que l'hikmah, tu délaisses l'haq. Et tu lui dis, t'as raison, et on mange plus. Là, c'est pas ça la solution. La solution, c'est d'appliquer sunnah avec hikmah pour que les autres kadhalik, ils l'appliquent. قال يختلف الأمر اختلافا كبيرا بين إنسان يعيش في مسجد جوءه سلفي ومسجد آخر جوءه خلفي. Il y a une différence. فنحن مثلا quand on était à Dar al-Hadid بدمج المؤذن il connaissait pas l'heure ou le calendrier. Là, il allait dehors et il y avait un endroit, il voyait bien l'horizon et il regardait le coucher du soleil. Il rentrait, il faisait la dame. Bel, on mangeait avant qu'il fasse l'adhan. Maintenant, on le voyait rentrer. Bel, même lui. Le mu'adhin, ahyanan, on était au masjid, on avait des dates. Quand on le voyait rentrer, c'est qu'il a vu ghurub al-shams. Maintenant, on le connaissait. Dès qu'il voyait, rentrer pour faire l'adhan. Donc, le retour, le temps qu'il arrive au micro, il y avait, on va dire, deux minutes. Les gens, ils mangeaient. Maintenant, on sait qu'il y avait le ghurub. Lui-même, il venait, il prenait une date sur son passage, il mangeait, et il allait faire l'adhan en mangeant. C'est ça, sunnah. L'Aden, c'est pour prévenir les femmes, ceux qui ne sont pas dehors, qui ne sont pas au masjid, qui n'ont pas vu le mouadine, que c'est l'heure. Malgré qu'il y a entre le ghuroub et l'Aden, tu vas dire qu'il y a une minute, ce n'est pas grave. Mais vous, ça c'est dans un masjid, comme a dit le Cheikh Al-Albani, Al-Jaw, c'est un Jaw Salavi. Al-Jaw, c'est l'ambiance, le climat. Et c'est un masjid Salavi. Les gens, ils connaissent ça. Enfin, nous, à Damaj, on mangeait avant que le mouadine fasse l'Aden, c'était l'heure. Par rapport à son déplacement, personne n'allait te dire pourquoi ça fait une fitna. Tout le monde était à la hada, tout le monde, wallahi alhamd, connaissait cette sunna. Elle était appliquée depuis l'époque de Cheikh Mokbil jusqu'à, alhamdulillah, jusqu'à la fin. Un autre masjid qui ne connaisse pas hada, qala, kama annahu yajib an yufarrigh bayna i'lanihi bil iftar al-shar'i bayna al-nas wa akharin. Fanas min ikhwanik indahum mabda tamassuk bis sunna, fala mani'. Kadhalik, on peut être entre nous, on connaît tous cette sunna, et on est dans cette pièce, et on sait que le soleil s'est couché, al-mu'addin il retarde de 3-4 minutes, on mange. Il n'y a aucun problème. Mushkila, t'es avec des gens qui ne connaissent pas. Pour lui, tu vas manger, pour lui, tu fais plus rien. Pour lui, tu fais exprès de manger. Surtout s'il connaît le hadith qu'on a cité, ceux qui mangent avant l'heure. Pour lui, tu fais partie de ha'oula. Qala Cheikh Al-Albani, on a khtasir, قال فلا مانع بل يجب أن تفطر أمامهم بعد دخول وقت الإفطار نعم قوله يجب on avait vu que c'est une sunna c'est مستحب entre nous donc si on connaît cette sunna il n'y a aucun mal يقول شغل ألمان بل on le fait parce que c'est une sunna قال ثم إلى cité أي عند الغروب قبل الأذان أما إذا كنت في جماعة ما سمعوا بالدعوة السلفية دعوة الكتاب والسنة هؤلاء ينبغي على الداعي حقا أن يفكر طويلا كيف ينشر هذه المسألة et c'est ça qu'on doit faire des efforts نحن. يفكر طويلا ne te précipite pas لأنه est-ce que c'est obligé de manger dès que le ghuroub à la minute près c'est pas obligatoire on a dit c'est مستحب et tu regardes ce que ça peut faire comme mal ça veut pas dire que tu l'appliques pas tu regardes comment كما قال شيخ الألباني Tu réfléchis comment je vais parvenir à leur montrer cette sunna. C'est important. Là. Si le mu'addin lui-même il te dit, je ne sais pas, c'est eux qui ont mis ces heures, moi je suis. Tu sais que le problème, ce n'est pas du mu'addin. Donc est-ce que tu pourras lui montrer ce fadl, annahu, il peut manger avant de faire l'adhan, etc. Tayyib. Et nous, on insiste à leur montrer. Bad al-awam, ils ne connaissent pas hadith al-ahadith. Si tu lui cites le hadith qu'on a cité de Sahl ibn Sa'd, le hadith de Omar, tu lui cites le ijma' de l'Hafid ibn Hajar, tu lui montres que tous les savants, même son madhab, c'est un maliki, c'est un hanafi, tous les savants ils sont à la hada. Tu lui montres le fadl. La yazal nas bi khayr, tu lui montres tout ça bi hikma, tu lui montres que tu veux son bien, etc. Inch'Allah, souvent ça marche. Il te dit barakallahu fi. Même s'il continue à le faire, l'yanna c'est devenu une coutume, au moins s'il te voit, il sait pourquoi tu l'as fait, il sait que tu es à la ilm. Amma la kalam, la bayan, la dalil. Au fond du masjid, dès que c'est l'heure, ba'dhum ils mangent, et robama ils font du bruit, et ça. Est-ce que c'est sunna Nabi? Est-ce que c'est sunna al-Nabi alayhi salatu wassalam? On montre, s'il refuse, il refuse, et autre, c'est autre chose. S'ils combattent sunna, ils n'aiment pas sunna, c'est autre chose. Lakin, on regarde bien. Aham shay, comme a dit Cheikh Al-Albani, أن يفكر طويلا كيف ينشر هذه المسألة نحن نغاجت une chose لأن الإمام الألباني سان إمام إمام في السنة ولا يطعن فيه إلا مطعون فيه فكي كرتك شيخ الألباني سي أو كي دوا فتات كرتك إلي أنه سان إمام رحمة الله عليه نحن نغاجت أن les frères qui ont ce problème ils reviennent à أهل العلم demande pose tes questions à Akhil Khalil. Ça va faire une fitna. Cheikh Al-Albani va donner une solution. Lakin, nahnu, on sait que chaque cas, il y a des choses, c'est des cas précis. Donc, on conseille les frères, ils demandent. T'appelles un Cheikh min Mashaykh al-Ilm, min Mashaykh al-Sunna, et tu lui demandes. Il y a un Cheikh, on est dans ce masjid, ahyana, on mange avant, ça fait tel problème, qu'est-ce que tu nous conseilles? Et il va te dire. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Ce qui nous fait du mal, c'est deux choses. La précipitation, avec tout ce que ça englobe comme ignorance, etc., dureté qui est par sa place, et ne pas revenir à Ahl al-Ilm. Deux choses, ça fait du mal aux jeunes en général qui sont dans Sunna et qui veulent avancer. Ne te précipite pas et Kadalik revient à Ahl al-Ilm. N'essaye pas de résoudre les choses toute seule. L'Anna Ondor, Cheikh Al-Albani, dans les années 80, Obama, il a déjà cité ce sujet. Ça fait plus de 30 ans l'Ahl. Revenez toujours, on s'habitue à revenir à Ahl al-Ilm. Amma Cheikh Al-Albani, il parle de son cas, alors que c'est un imam. Il est connu bil ilm. Il a les capacités de montrer. Ta'ammalou, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il a fait? Fa'ana sharsiyan fi Ramadan ara ash-sham staghrab min dari. De chez lui, il voyait le soleil se coucher. Il avait une vue. Donc il pouvait voir le soleil se coucher. Donc il était chez lui. Fa'ara ghurub ash-sham staghrab min dari li'anna bayti murtafi'. Sa maison, elle est en hauteur, donc il voyait. Qala fa'aftir thumma asma' al-adhan fa'anzil wa usalli ma'a al-jama'a. Dès qu'il voyait le soleil se coucher, il mangeait, il coupait son jeûne. Thumma, il écoutait l'adhan, il appliquait le sunan, il répétait, etc. Thumma, il descend de chez lui, il va faire salat avec le jama'a. Ah, dit aussi, c'est une solution. Pourquoi? Mais il faut montrer le haq. Cheikh Al-Albani va citer cette masala. Lakin, si tu montres le haq, ça te fait des problèmes, ça fait une fitna plus grande. Est-ce que tu es obligé d'aller au masjid et manger? Reste chez toi et mange, si ça te fait des problèmes. Après, il faut avoir les épaules, il faut avoir l'ilm, il faut avoir la patience de ne pas faire des dégâts plus grands. Les anakat est responsable. Bardohum, Robama, il veut montrer une sunna au départ, et à la fin, ça finit en bagarre et en insulte. Est-ce que se battre et insulter, ça fait partie de notre da'wah? Donc, tu t'es imposé une chose au-dessus de tes capacités, t'es tombé dans le haram. Tu peux pas, tu restes chez toi, mange à l'heure, et va au masjid. T'as appliqué toutes les sunnans, t'as fait salat, wallah alhamd, et t'as mangé à l'heure. Est-ce que tu es responsable des autres? Si tu n'as pas la capacité, tu n'es pas responsable. Tu montres, tu ne peux pas montrer. Une troisième chose qui nous fait du mal, on a cité la précipitation, ignorance, etc. On a cité ne pas revenir à Ahl al-Ilm. Troisième chose, se mettre des responsabilités qu'on n'a pas. Ça fait du mal. Est-ce que tu es responsable de tout le masjid, ils doivent manger à l'heure? Tu es responsable de toi-même. Et de ceux à qui Allah t'a donné une responsabilité, femme, enfant, etc. Les autres montrent. Un jour, tu fais un bayan tayyib ilmi avec l'adilla, tu leur montres, ya ikhwan, vous retardez trop la salat, la adhan aqsud, vous pouvez manger avant, ceux qui mangent avant, il n'y a aucun mal, tu cites les adilla. Celui qui a accepté, alhamdulillah, celui qui n'a pas accepté, t'as montré. Et alhamdulillah, après, avance dans ton dîme. Ne reste pas dans ce genre de mas'ala toute ta vie, te battre, t'énerver, etc. Tu vas perdre ton temps dans d'autres choses. قال الشيخ الألباني فأنا شخصيا on l'a lu. قال لكن il va faire un tambih. La yajouz kitman hadi al-mas'ala. C'est important. Dès qu'on dit il ne faut pas faire de fitan, etc., ça ne veut pas dire ne pas la montrer et la cacher, ne pas appliquer cette sunna. Et on participe kadalik nahnu à tuer, entre guillemets, une sunna. Là, on doit faire revivre, lakin, selon nos capacités. Qala idhan al-mas'ala tahtaj ila hikma. C'est ça la conclusion. Cheikh Al-Albani conclut comme il a commencé cette fatwa, il faut de la hikma. Vu que nous, on a un manque de ilm. Wadih, c'est clair. On a un manque de hikma. On a un manque d'expérience. On doit revenir à Ahl al-Ilm dans ce genre de masal. Masala tahtaj la hikma, prends la hikma de Ahl al-Ilm. T'as ce problème, appelle. Et ce qui te dit le shir, Inch'Allah, tu lui expliques bien la situation et Inch'Allah t'appliques sa fatwa, il y aura du khayr. Amma, pourquoi on insiste d'appeler Ahl al-Ilm? Si on est 10 dans le masjid, si on est notre groupe, l'an, Anna, je vais dire là, les frères, on continue à manger. Al-Akh, il va dire, arrêtez les frères, ça fait une fitna. Le troisième, il va dire, je vais aller les conseiller. Le quatrième, il va dire, je vais appeler Cheikh Foulan. Le cinquième, il va plus venir au masjid, on est tous divisés. Pourtant, on devait appliquer une sunna qui n'est pas obligatoire à la base. Et ça nous divisera. Moi, je vais aller au masjid, je veux me battre. Hada, il va plus venir. Le troisième, il va aller parler avec elle. C'est entre nous, on est divisés. Hada, la yambari. Ammal. Entre le sunna, on est unis et on appelle un savant. Et le savant, Inch'Allah, on appelle la fatwa si elle est fondée sur Ad-Dalil. Hada mafhoum, c'est important. Nous, Al-An, c'est un exemple avec Al-Adhan, Al-Maghrib, pendant Ramadan, le fait de rompre le jeûne. Et dans toutes les autres masa'il, essaye d'appliquer la fatwa sur l'Albani, c'est un exemple. Essaye de l'appliquer dans les fitan, khasatan Al-An, on parle avec Al-Juhal, Al-Awam, les vieux. Inch'Allah, ça te facilitera beaucoup de choses. À l'époque, il y avait beaucoup de problèmes. Surtout, nous, on parle en France. Amma huna, wallahi alhamd. Vu que c'est les choses, elles sont organisées. Le gouvernement, il s'occupe de ces choses. L'adhan, il a une certaine heure. Alhamdulillah, il n'y a pas trop de problèmes via Hada. Amma, comme en France, déjà, ils ont des problèmes dans les heures. Et plus tu rajoutes Hadil Umur, il y avait beaucoup de problèmes. Amma, l'an, madri. Fallahu musta'an. On finit ce dars avec quelques mesa'il. Mouta'alliqa bi al-iftar. Amma, tu dois. Ou c'est quoi la meilleure chose avec laquelle tu peux rompre ton jeûne? Ja fi hadith Anas. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات. Et ça c'est un tanbih tayyib. أن السنة c'est de rompre le jeûne avant الصلاة. Ça veut pas dire que tu vas manger حتى تشبع ربما لا لأن الصلاة. Ça dépend des pays, des endroits. Des fois ils la font très vite. Donc أهم شيء le fait de rompre avec une date, avec de l'eau comme ça y est. Ça c'est muhim. Ne pas aller à salat et à pas manger. Pourquoi? لأن السنة c'est de rompre le jeûne عند الغروب. On a vu, c'est mustahab. Si tu fais salat, ربما la salat elle va durer 10 minutes, le temps d'y aller, ربما tu auras mangé 15 minutes après le غروب. Et ça là, c'est pas من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Ça peut arriver bien sûr, mais toujours là, c'est pas طيب. Donc hadith Anas, كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات. فإن لم تكن رطبات فتميرات. الرطب c'est comme des dates. C'est mou, les dates c'est connu. قال فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, imma rotabat, imma des dates, imma s'il ne trouvait pas de l'eau. هذا الحديث الشيخ مقبل الحسن وهكذا الشيخ الألباني وبعض العلماء يضعفونه. بعض العلماء يقول que ce hadith est ضعيف. شيخنا محمد بن حزام حافظه الله يسيت في إتحاف الأنام أنه أبو حاتم وأبو زرعة كذلك ils ont dit que ce hadith il était munkar كما في العلل لابن أبي حاتم ils citent leur parole قالوا أو قال لا نعلم روى هذا الحديث غير عبد الرزاق ولا ندري من أين جاء به عبد الرزاق. Donc celui qui rapporte ce hadith c'est عبد الرزاق et ils disent on ne sait pas d'où عبد الرزاق il a emmené ce hadith, donc ils l'ont ضعف. هذا سيأن قول وبعض العلماء يحسنونه. فعلى ضعف الحديث si on dit que le hadith il est ضعيف كما قال بعض الحفاظ أبو زرعة et أبو حاتم tu rompes le jeûne avec ce que tu veux, avec de l'eau, avec des dates ou autre. Et même si on dit que le hadith il est صحيح أو حسن, ça ne veut pas dire que c'est une obligation. لا. فالأمر في الحقيقة il est واسع. Celui qui il coupe le jeûne avec des dates ou autre, l'amr il est wasa. Lakin kathir min al-ulama ihassan ce hadith. Et à notre époque, Cheikh Mokbel et Cheikh Al-Albani nous hassan. Lakin qawl al-hafiz Abu Hatim et Abu Zur'a, leur qawl il est mu'tabar fi hada al-sha. C'est des huffa. Rahmatullah alayhim. Al-imam ibn al-Qayyim il a un kalam tayyib sur les bienfaits, même si on dit que le hadith il est da'if. Il y a des bienfaits pour le corps, comme il démontre l'imam Nuqayyim. قال وكان قال رحمه الله في زاد المعاد وكان يخص على الفطر بالتمر فإن لم يجد فعلى ماء. Ça montre que Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi كذلك il pense et il était d'avis que hadith Anas il était ثابت, il était صحيح أو حسن. قال هذا من كمال شفقتي عن أمتي ونصحهم فإن إعطاء الطبيعة فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع القوة به. Il démontre que manger après avoir eu le ventre vide, dans notre cas rompre le jeûne, t'as l'estomac vide et tu prends quelque chose de sucré comme les dattes ou rotabat, c'est tayyib pour le corps. Hakada il démontre Ibn al-Qayyim, mais vous connaissez la capacité, le ilm d'Ibn al-Qayyim dans ce genre de choses et tout ce qui est al-tib, al-nabawi, que ce soit le tib al-qulub ou le tib al-abdan. Il était qawi jiddan, rahmatullah alayhi. Wa la siyama al-quwa al-basira, fa innaha taqwa bih, wa amma al-ma. Donc, quelque chose de sucré comme les dattes, c'est très bon pour le corps, surtout quand t'as l'estomac vide. Al-an l'eau, qal wa amma al-ma, fa inna al-kabid, le foie de l'être humain, yahsul lahu bis-sawm naw' yabs. Naam, al-yubusa, quelque chose de yabis, quelque chose de sec. فالكبد le foie pour celui qui fait le siyam il devient un peu sec et un manque d'eau. فلهذا قال فإذا c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a conseillé de boire ou il buvait au départ, c'est une des raisons à où ça nous montre plutôt les bienfaits. قال فإذا رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغداء بعده. Donc si le foie il est un peu hydraté avec cette eau, il profitera beaucoup plus des aliments après. Ça te montre que quand tu as faim, tu as le ventre vide, c'est bien de commencer par un peu d'eau. Thomas, tu manges. Hada c'est tayyib. Et il a cité d'autres choses. Amma commencer par l'eau, hada c'est thabit. La haqiqa al-amr il est wasi'. Al-insan, il mange ce qu'il peut et ce qu'il a devant lui. Et s'il commence par les dates en se basant sur hadith Anas, fa tayyib. معنى الحديث تقدم أن بعض الحفاظ علوه فالله أعلم. Dernière مسألة dans notre sujet, الدعاء. Est-ce qu'il y a un دعاء spécifique à dire? Beaucoup de أدعية dans ce sujet أي عند الإفطار. On retrouve dans سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. Et في الحقيقة la plupart de ces أدعية ضعيفة. مثل اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا هذا اللي ضعيف أخرجه الدارقطني من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما et dans son سند يا عبد الملك بن هارون بن عنترة يروي عن أبيه وهو متروك وأبوه ضعيف. Ça c'est des exemples, on détaillera pas نحن هذا pour te montrer أن مثل هذا il est ضعيف جدا, il est منتشر. Son père il est متروك et lui-même il est ضعيف. كذلك اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. Dans le sanad d'Ismaïl ibn Amr, il est daïf. Kadalik Daoud ibn Az-Zibr, il est matrouk. Kadalik, il est daïf jiddan. Kadalik, l'autre dua, hadith ibn Umar, marfou'an, annahu kana yaqul, ayy sallallahu alayhi wa sallam, al-dhahaba al-dhama, wabtalat al-uruq, wathabat al-ajr, insha'allahu ta'ala. Et kadalik, il est daïf. Dans l'isnad, Marwan ibn Salim, al-muqaffi' ou al-muqfi' yundar al-dhab, et il est majhoul al-hal. Donc, en fait, tous les ad'iyas qui sont cités fi hada al-bab et précisément pour rompre le jeûne, ma thabata fi hada shay. Lakin, on a un autre hadith, walakin qad sahha 'inda Ibn Majah qala, min hadith Abi Hurayra radiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala, thalathatun la turaddu da'watuhum. Trois genres de personnes, leur du'a, il est accepté. Al-imam al-'adil, un gouverneur juste, wa as-sa'im hatta yuftar. Celui qui fait as-siyam jusqu'à qu'il rompe le jeûne. Et le troisième, da'watul madlou, celui qui subit une injustice. Ça te montre, tu fais le du'a pendant que tu es sa'im. Tant que tu es sa'im. Elle est mustajab. Et ça, le hadith, il est, sahahu shaykh al-muqbil aqsud fi al-jami' al-sahih. Donc, il n'y a pas de du'a spécifique à dire quand on rompe le jeûne, lakin, as-sa'im, il fait le du'a tant qu'il est sa'im, wa lillahi alhamd. Elle est acceptée, fayukthir min ad-du'a. Hada wallahu a'lam. On a un peu tardé, lakin on voulait faire tout ce qui est lié avec l'iftar en un cours. Falhamdulillah rabbil alamin. Ila huna subhanak lahum hamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.